c'est bien le nom que tu voulais. Toi qui ressembles à la marée sur les cailloux de Saint-Malo. Flot, sous tes paupières ultramarines, parfois je lis ou je devine la solitude des bateaux. Pierre, t'es comme un rocher sur la lande. Tu ne bouges pas, tu te demandes où peuvent bien aller les rivières. Chacun est fait comme il est, chacun prend feu comme il peut. Mais sous le ciel immense, tous les rochers du silence, tous les oiseaux en partance se retrouvent parfois. Chacun est fait comme il est, chacun prend feu comme il peut. Chacun va son chemin jusqu'à l'endroit du destin où se retrouvent les mains. Ils se quittaient déjà. Pierre, quand mon voilier s'envole sur l'eau, j'ai l'impression d'être un oiseau, mais j'ai le cœur sans illusion. Pierre, t'as le nom d'un caillou qui affleure, où pourrait naufrager le cœur. Danger pour la navigation. Flot, même si la pluie te mouille parfois, les vagues tournent autour de toi, c'est toi qui les mène en bateau. Chacun est fait comme il est, chacun prend feu comme il peut. Mais sous le ciel immense, tous les rochers du silence, tous les oiseaux en partance se retrouvent parfois. Chacun est fait comme il est, chacun prend feu comme il peut. Chacun va son chemin jusqu'à l'endroit du destin où se retrouvent les mains. Ils se quittaient déjà. Chacun est fait comme il est, chacun prend feu comme il peut. Mais sous le ciel immense, tous les rochers du silence, tous les oiseaux en partance se retrouvent parfois. Chacun est fait comme il est, chacun prend feu comme il peut.